Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 34e épisode de La Mécanique des Ondes. Nous allons passer trois quarts d'heure ensemble pour parler carrière radiophonique avec ceux qui sont devant et derrière le micro. Aujourd'hui, je reçois Jackie Gallois, directeur des études au studio École de France. Jackie Gallois, bonjour. Bonjour Cécile et bonjour. Alors, à tous vos auditeurs. La première question traditionnelle de l'émission, vous êtes au micro d'une radio associative et j'aimerais savoir si ça vous rappelle les souvenirs. Mais d'abord, je voudrais vous remercier parce que vous me donnez l'occasion de refaire de la radio. Eh oui. Hein, depuis trois mois, je suis orphelin de ce micro et là, j'avoue quand même que j'ai une petite sensation. Ça me rappelle des souvenirs, oui et non, parce que vous êtes très très bien installé et que les radios associatives, moi j'ai connu ça en 1981 lorsque j'ai démarré la radio, donc c'était une autre époque, avec peu de moyens, alors que là, forcément, là, vous êtes dans de très beaux studios, bien équipés et tout, donc oui, ça me rappelle un petit... Alors, je voudrais pas dire que ça me rappelle mes débuts, parce que ça serait quand même pas très sympathique pour vous. Justement, mais les débuts, on va en reparler parce que vous avez donc commencé à Énergie en 1981. Je voulais savoir comment vous êtes arrivé à la radio. Est-ce que c'était une idée qui trottait dans la tête depuis longtemps? Pas du tout. Moi, je voulais devenir aiguilleur du ciel. Je voulais devenir contrôleur aérien. Donc, je m'étais engagé dans des études, très longues études. Et malheureusement, elles étaient très, très, très, très importantes. Et il fallait être très, très fort en mathématiques, en sciences, en physique. Enfin bref, c'était un bac E à l'époque. Et puis, surtout, je n'ai pas pu exercer ce métier. Parce qu'à l'époque, et je crois que c'est encore d'actualité, je porte des lunettes et lorsque vous êtes aiguilleur du ciel et que devant votre écran radar, vous avez 15 avions à faire atterrir ou décoller ou à faire naviguer, faut pas se tromper parce qu'il y a des centaines et des centaines de vies en jeu. Et malheureusement, on me fait comprendre que ça serait pas possible pour moi. Et alors donc, je ne savais plus quoi faire. Je suis parti me reposer un peu dans le sud. Et puis, j'ai découvert Radio Monte Carlo et j'ai découvert une émission extraordinaire qui s'appelait Taxi, présentée par Franck Lipsic. Ne me demandez pas pour quelle raison. Je suis remonté dans mon nord, dans ma Picardie natale. Et j'ai annoncé malheureusement à mes parents que je voulais devenir animateur radio. Et c'est comme ça. Alors, et quand j'ai dit que je voulais devenir animateur radio, je suis tombé dedans. C'est une passion, comme toutes les passions, ça ne s'explique pas. C'est-à-dire que je me suis mis à écouter, à l'époque, il y avait très peu de radio, hein, puisque c'était avant les années 81. Et je ne sais toujours pas pour quelle raison j'ai voulu exercer ce métier. Un jour, quelqu'un m'a dit, le fait de se retrouver comme nous sommes là avec vous, Cécile, derrière une vitre et derrière un micro, il y a peut-être un petit peu un contrôleur aérien qui se cache derrière et qui, au lieu de dire Papa Whisky, vous êtes autorisé ILS 26, le vent est neutre, bah peut-être que il dit bonjour, bienvenue sur fréquence protestante 100.7, et ben j'ai l'impression pendant 35 ans avoir atterri, faire décoller des avions. Oui, c'est vrai que c'est un peu un rôle de gestionnaire. Hein. Vous étiez au contrôle derrière le micro. Enfin, c'est moins risqué, là, quand même, en radio, il me semble. Quoique, c'est ce que j'avais dit. Quoique. On ne sait jamais. Et c'est comme ça, donc j'ai démarré la radio. D'accord. Donc, vous quittez votre Picardie pour monter à Paris. Alors, c'est-à-dire que... Oui, si vous pouvez dire, pour monter. Bah, c'est-à-dire que là, je deviens complètement fou. C'est-à-dire que j'écoute Sud Radio le soir sur onde moyenne, Radio Andorre à partir de minuit sur onde courte, Radio Monte Carlo sur les grandes ondes. Quand vous habitez Compiègne, c'est inaudible et tout, mais je veux connaître, je veux savoir. Et puis, à l'époque, il n'y a pas Internet. Hein, donc, il n'y a que dans Télé 7 jours et Télépoche qu'il y a des photos des animateurs et tout. Donc, j'écris à Radio Andorre pour connaître la grille et tout. Et puis j'envoie des petites cassettes à Europe 1, à RTL, et on me répond toujours que malheureusement je n'ai pas le profil, je m'en doute un petit peu. Et puis un jour, il y a un grand concours organisé en 1978 par Radio Monte Carlo, et je suis sélectionné. Et là, ma mère m'accompagne à Paris, parce que je ne suis jamais venu à Paris. 1978, ça va vous faire rire, j'ai 20 ans. Mais il faut être accompagné quand même. Et je suis rue Magellan, dans le 8e arrondissement, où se trouvait Radio Monte Carlo. Et là, je viens faire un essai. C'est la première fois que je rentre dans un studio de radio, j'entends une voix qui me dit « Bonjour monsieur, vous avez des feuilles, vous allez lire les textes ». Et je regarde devant moi et je ne comprends pas, parce que le studio d'RMC à l'époque n'était pas comme le vôtre, c'est-à-dire que c'était en hauteur la vitre avec le technicien, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'entendre des voix. Je me dis « Tiens, il y a quelqu'un qui me parle, je ne l'entends pas ». Et à un moment « Ah oui, c'est vous donc ». Donc j'ai lu 3-4 publicités en 35 secondes. J'ai mouillé le t-shirt, la chemise et tout le reste. Je suis sorti. Et le directeur des programmes, Stéphane Banessi, que je salue s'il nous écoute, directeur des programmes de Radio Monte Carlo, m'a dit « Monsieur Gallois, merci d'être venu. Je vais vous donner un conseil. N'insistez pas, vous ne ferez jamais ce métier. » D'accord. Je suis... Ma mère me dit « C'est déjà fini. » Je lui dis « Oui, oui, mais ils vont nous écrire. » J'ai pas osé lui dire que, ouais, que tout était loupé. Et quand je suis reparti direction Compiègne, dans le train, je me suis dit, j'ai perdu une bataille, j'ai pas perdu la guerre. Et j'ai dit autre chose que je ne répéterai pas ici à ce micro en pensant à ce monsieur, que j'ai revu quelques années plus tard. Ouais. Il se souvenait de vous ? Pas franchement, mais il m'a dit, je suis certain que je vous ai dit que vous ne ferez pas ce métier-là. J'ai dit oui. Et donc, si vous préférez, donc mes parents m'ont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne. Et j'ai dit, je pense qu'il doit y avoir une école qui forme. Donc, on s'est renseigné. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui, malgré la situation modeste, m'ont permis de faire une école à Paris. Encouragé aussi. Ah oui. J'ai des parents fantastiques. Sans eux, l'histoire n'aurait pas eu lieu. Et j'ai fait pendant un an l'école supérieure d'animation et de communication. Il y avait 70 étudiants. Il y avait 3 places. La première place, c'était pour Radio Andorre. La deuxième, c'était pour partir sur Radio Caraïbe International, comme en tant qu'animateur. Hein. Et la troisième place, c'était pour travailler sur Radio Antilles, qui était sur l'île de Montserrat. Très, très loin. Depuis, le volcan s'est réveillé. Il n'y a plus d'île, il n'y a plus d'habitants, il n'y a plus de radio, il n'y a plus rien. Et ça, je vous parle de ça, nous sommes en 1981, et en 1981, François Mitterrand devient président de la République. 110 propositions, parmi ces propositions, casser le monopole et autoriser ce qu'on a appelé les radios libres. Par un concours de circonstances, vraiment le hasard, je rentre en contact avec un certain Jean-Paul Baudecroux. Voilà. Un certain. Voilà, Monsieur Baudecroux, qu'on me donne le numéro de téléphone, mais vraiment que je téléphone. Enfin bref, et c'est comme ça qu'il me dit, écoutez, je veux monter une radio. Il va s'appeler FM Femme. C'est pas très... Enfin bref. Bon, je rencontre Jean-Pierre D'Amico, qui est le directeur des programmes et tout. Je décline cette proposition d'aller travailler sur Radio Antilles, parce que, d'une part, c'est très loin, ça rassure ma mère, surtout. C'est bon, un argument. Je me voyais bien avec les petites vaillinées et tout. Mais enfin bref, autre chose. Et puis, on démarre le 15 juillet 1981, non pas sur FM Femmes, mais sur Énergie. Et j'aimerais bien que vous parliez, parce que j'ai lu il n'y a pas longtemps le livre qui raconte toute l'histoire d'Énergie et qui décrit très bien tous les débuts, justement, avec ce petit studio, que dis-je, cet appartement au fin fond de Paris, où vous étiez je ne sais combien d'animateurs, vous aviez les matelas dans les placards. Oui, j'ai dormi. Vous y avez dormi, voilà. Et j'aimerais bien, justement, que vous racontiez toute cette ambiance. Oh, écoutez, nous étions dans une studette, métro-télégraphe. Pour quelle raison métro-télégraphe? Parce que c'est un des points hauts de Paris et que Jean-Paul Baudecroux, qui est un passionné de radio, hein, puisque déjà il avait voulu monter une radio avec un émetteur sur l'île de Guernesey, et à l'époque le président Giscard d'Estaing avait refusé. Donc lorsque les radios libres se sont ouvertes, Monsieur Baudecroux a décidé d'investir. Donc il est allé acheter du très très bon matériel au niveau des émetteurs. On peut le dire, c'est pas un secret, on avait 10 kilos alors que c'était strictement interdit, ouais. On arrosait tout Paris, enfin bref, on brouillait, ouais, les copains, enfin c'était pas très sympathique, mais bon. Je crois que c'est un peu toujours le cas, vu qu'Énergie sont nos voisins de fréquence. Ah. Et des fois ça dépasse un petit peu. Le téléphone à Jean-Paul, c'est pas bien ça, c'est pas gentil. Et c'est vrai que nous étions dans une studette. Alors, RFM existait, installé à Vélizy, des superbes locaux, ça c'était vrai. Et nous à l'antenne, et c'est ça la magie de la radio, Cécile, c'est qu'on faisait croire qu'on avait 400 mètres carrés et qu'on avait plusieurs studios et tout. Or on avait une studette avec un ça donnait sur le dehors, enfin avec un placard qui se refermait. Et moi je faisais le soir jusqu'à 20h et le samedi matin je faisais 6h-9h. Et comme j'habitais à l'autre bout de Paris, pour éviter, je dormais. Ah, j'essayais de dormir parce que c'était la bamboula tous les soirs dans le studio, et surtout le vendredi soir. Alors, les radios à l'époque n'étaient pas vraiment autorisées, c'était des dérogations. À l'époque, parce qu'en 1981, quand il y a l'ouverture des fréquences, donc nous sommes autorisés, mais avec très peu de puissance, ce qui n'est pas le cas d'énergie, et on n'a pas le droit à la publicité et tout. Et surtout, je pense que dans l'esprit de François Mitterrand, il voulait faire des radios culturelles, des radios de quartier. Ce qui était à la fois une bonne et une mauvaise idée, parce que faut vivre. Ça coûte cher, un studio, une animatrice, un émetteur, enfin bref. Et coup de l'opération, très rapidement, on s'est rendu compte que d'abord, il y avait trop de stations de radio sur Paris. C'était à Capharnaüm, c'était extraordinaire. Tout le monde brouillait, alors tout le monde brouillait tout le monde, enfin bref. Et très rapidement, donc, on s'est rendu compte que c'était pas viable s'il n'y avait pas la publicité, qui arrivera quelques années plus tard. Ouais. Mais au début, oui, nous étions plus considérés comme des radios pirates, des radios dites libres avec des fréquences et contrôlées. Est-ce que la haute autorité existait à l'époque? Je ne crois pas. Je ne sais pas. Pas dans la forme actuelle, non, je crois que ça avait évolué un petit peu après. Ouais. Et donc vous apprenez tout sur le tas à Énergie, c'est votre première antenne. Ah oui. Oui, c'est ma première antenne. C'est une chance inouïe parce que de nos jours, je ne pourrais plus faire ça parce qu'on faisait des fautes de français. On continue d'ailleurs. On bafouillait, mais on a eu du succès. Pour quelle raison? Parce qu'on arrivait avec un son de qualité. On arrivait avec de la musique. C'était pas toujours la même. Et comparé à nos amis d'RTL, d'Europe et de Sud, RMC et d'Andorre, on apportait un son nouveau, plein de musique, plein de nouveaux jingles, des animateurs qui se prenaient pas trop au sérieux. Une fraîcheur, voilà, qu'un public de demandait, souhaitait, et je pense que c'est ça qui a fait. Puis pas de publicité au début. Ouais. Comprenez, c'est, donc ouais. Les gens disent, il y a des radios qui passent de la bonne musique et pas forcément que des tubes avec des animateurs qui sont plutôt sympas. Voilà, bon enfant, et il y a pas de pub. Ouf. Ça faisait du bien. Alors, ça va être le moment, Jacky Gallois, de votre première pause musicale. Alors, je veux savoir ce que vous avez choisi. On commence par l'international. On va commencer par la chanson française. Allons-y. Ouais, là, je vais faire rire tout le monde. Là, j'ai dû choisir Yves Montand, La Bicyclette. Et pourquoi? D'une part, parce que j'avais envie de l'écouter. Et d'autre part, lorsque j'entends cette chanson, c'est toute mon enfance et mon adolescence qui repasse. Voilà. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. Nous étions tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes, à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur, à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants, à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet, changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas seul un instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins, à bicyclette. Le Premier choix de Jackie Gallois dans la mécanique des ondes, c'était Yves Montand avec A Bicyclette. En effet, ça fait du bien de le réécouter, Jackie. Vous croyez que ça va marcher, ça? Alors, on vous a laissé à Europe 1. Et voilà, vous voyez, obligatoirement, c'est lié à Europe 1. Jackie Gallois, Europe 1. Non, on vous a laissé à Énergie. Vous y êtes resté de 80 à 83. 85, Cécile, parce que j'ai une chance inouïe. C'est de pouvoir faire, hein. Pas facile la bicyclette, hein, de reprendre. Pas facile. De pouvoir faire à la fois Énergie et Europe 1. Ça, c'est une histoire extraordinaire. Ça ne se referait plus aujourd'hui, hein, d'être sur deux antennes. Alors, d'accord. Il faut remettre dans le contexte, quand même. Énergie est connue sur Paris, hein, nous sommes en 1983, donc nous sommes très écoutés déjà, mais à Bordeaux, Nice, tout ça, ça n'existe pas, on est vraiment... Et un concours de circonstances fait que je rencontre le patron d'Europe 1 qui me dit « Ah, je cherche quelqu'un pour faire le petit matin, tout ça, est-ce que vous pourriez venir faire un essai ?» en direct, mais à 4h du matin, donc je viens une fois, deux fois, trois fois, l'essai est concluant, mais ils ne prennent pas la décision. Et puis un samedi, un jour, Philippe Gildas me rappelle et me dit « il va falloir remplacer Yann Egan ». C'est extraordinaire, parce que Yann Egan, c'est mon idole. C'est le gars, un des animateurs qui m'a donné un jour, avec Franck Lipsic, l'envie de faire de la radio. Et Philippe Gildas me dit on va vous faire un essai en direct le samedi après-midi. J'ai dit très bien, donc je préviens quand même la direction d'Énergie qui me laisse faire. Et je fais donc ce direct, je fais le samedi après-midi, je fais le samedi soir, je fais le dimanche soir. Le lundi, tous les animateurs d'Europe 1 sont allés voir Philippe Gildas pour dire c'est qui ce petit con de la FM qui imite Yann Egan mais d'une façon détestable. Enfin bref, sauf un, Yann Egan, qui croise Gildas et Philippe lui dit alors comment t'as trouvé Gallois? Il fait bah écoute il est pas mal. Hein. Et, Gildas dit ouais mais il te copie mal. C'est vrai que sur Énergie je faisais un peu du Yann Egan. C'était mon style. Et Yann Egan a eu cette parole exceptionnelle de dire à Philippe Gildas, tu sais, moi quand je suis rentré, j'avais le président Roscoe, c'était mon idole, et j'avais aussi Hubert. Donc voilà. Bon, Gildas me dit, pas mal ce que vous avez fait, on aime bien, mais enfin bref, on n'a pas de place pour vous, malheureusement. Et j'ai eu, parce qu'il faut avoir de la chance dans ce métier quand même. Et 15 jours après, Philippe Gildas me rappelle en me disant, bon voilà, les deux animateurs qui faisaient les nuits du week-end s'en vont, est-ce que ça vous intéresse? J'ai dit, écoutez, bien sûr. J'ai dit, mais il faut quand même que je demande autorisation à Jean-Paul Bodecrou. Et d'abord, non, est-ce qu'il faut que je quitte Énergie? Gildas dit, je vais appeler Jean-Paul. Il me dit, vous inquiétez pas, vous allez travailler le week-end Europe 1 et la semaine, vous allez faire Énergie. Et pendant 2 ans, j'ai eu cette chance de faire 6h-10h sur Énergie, la matinale, maintenant on appelle ça les mornings, et je faisais les nuits du week-end sur Europe 1. Ce qui m'a valu de temps en temps, je finissais à 1h du matin, dans la nuit de dimanche à lundi, le hit parade des clubs, il était 1h du matin, je rentrais chez moi, je prenais une douche, je dormais une demi-heure, je reprenais mon véhicule, j'arrivais à Avenue Diana, je faisais, vous écoutez Europe 1? Vous écoutez Énergie? Parce que forcément, j'avais confondu. Et puis un jour, Philippe Gildas me convoque, il me dit, voilà, France Info a démarré, le groupe Lagardère aimerait bien créer une radio d'information, et on va monter une station qui va s'appeler CFM 89, et en association avec le quotidien Le Monde, et le directeur du Monde aimerait avoir Yann Egan. Yann Egan ne veut pas, et comme tu ressembles un peu à Yann Egan, il a dit, bah pourquoi pas Gallois. Et là, Philippe m'a dit, bon, il va falloir choisir entre Énergie et Europe 1. Donc, je suis allé voir Jean-Paul Bodecrou. J'ai dit, monsieur Bodecrou, je vais vous quitter. Il m'a dit, vous pouvez pas me faire ça. J'ai dit, si. Il m'a dit, je vous nomme directeur de l'antenne. Je lui ai dit, je suis désolé. Je dis, mais Europe 1 me demande et je vais y aller. Donc, j'ai quitté le groupe Énergie en 1985. J'ai encore travaillé sur deux radios. CFM 89, je faisais la matinale et je faisais les week-ends Europe 1. Malheureusement, CFM 89 ne s'est jamais développé et est devenu Europe 2. Et lorsque c'est devenu Europe 2, moi j'ai intégré complètement Europe 1. Et donc, j'ai été animateur, présentateur, animateur dans un premier temps, réalisateur également. Puis, dès 1996, lorsque Jérôme Bellet a repris la station et qu'il l'a transformée en station vraiment d'information, il a fallu que je réapprenne mon métier, non plus d'animateur de hit parade, de choses comme ça, mais devenir présentateur, c'est-à-dire plus axé sur l'info, même si je n'ai jamais été journaliste. Oui, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Vous avez été présentateur sans avoir fait de journalisme. Vous avez appris le journalisme sur le tas. Alors, non, Cécile. C'est ce qui m'a valu d'ailleurs de quitter l'antenne d'Europe 1. C'est que moi, je ne sais pas faire un journal. Je ne sais pas faire un flash. C'est un métier qui s'apprend. Je ne sais pas faire. En revanche, tout ce qui est encore man, je savais le faire. Alors, si on me donne des titres, je peux les faire à 15, à 45. Il y a pas de problème. Je faisais le tout info du dimanche soir avec toute une ribambelle de jeunes qui démarraient avec moi le dimanche, mais je ne sais pas faire ça. Et lorsque je reprends, alors j'ai tout fait sur cette antenne, le multiplex de football, réalisateur, animateur, enfin bref, surtout le matin, c'est une tranche que j'ai aimée, que ce soit 5h, 7h ou que ce soit 6h, 9h. Et lorsqu'en 2004, Jean-Pierre Elkabbach reprend la présidence d'Europe 1, la direction générale, il me dit j'ai besoin de toi sur les matinales du week-end, donc j'ai repris le 6h, 9h. J'adorais cette tranche, j'adorais ça avec les journalistes. Pour moi, c'est vraiment la vraie... Enfin, c'est pas la vraie radio, mais c'est la radio que j'aime. Et Alexandre Bompard devient président, directeur général d'Europe 1, engage Marc-Olivier Feugel qui le met la semaine. Et un jour, je suis convoqué à la direction, on me dit « Tes sondages sont très bons, hein, mais malheureusement, la saison prochaine, tu vas arrêter le samedi et le dimanche matin parce qu'on va engager un journaliste qui va devenir la doublure de Marc-Olivier Feugel parce que toi, tu n'es pas journaliste. » Et ce sera Émeric Caron. D'accord. Alors, pour me faire passer la pilule, comme on dit, on me dit, tu vas garder une émission, ce sera ma dernière, 100% Europe 1, et tu vas devenir conseiller au programme, responsable des meneuses de jeu, en charge de la veille concurrentielle. Bon, donc, je montais un petit peu dans les étages, mais j'ai compris que ça commençait... Voilà, ça allait être compliqué. D'accord. Ça vous intéresse quand même, voilà, tout ce qui est conseil au programme, tout ce qui est l'éditorial, la grille? Oui, si vous êtes écouté. Bah oui, j'étais écouté pour certains points, pour d'autres non. Vous savez, c'est toujours très compliqué parce que lorsque vous avez une nouvelle direction et que vous avez un nouveau directeur des programmes, alors il vous demande conseil dans un premier temps parce qu'au début il est un petit peu perdu, mais après il ne veut surtout pas que Jackie Gallois ou que X Indra se disent c'est moi qui ai eu l'idée. Donc quand c'est comme ça, c'est on va voir. Moi, j'ai pas pris ombrage, hein. J'étais très heureux jusqu'au dernier jour à Europe 1. Oui, bien sûr, ça me plaisait de conseiller, de diriger, de dire je pense que ça, là vous faites une erreur. Dernièrement encore, il faisait une grande tranche d'information entre midi et 13h. Il y avait pas de rappel de titre à midi et demi. J'ai dit je pense qu'en radio vous faites une erreur. Alors, on m'a pas écouté une fois, deux fois. Les sondages étaient pas bons. Et puis un jour, je suis venu en argument. Parce qu'on m'a dit, mais dis donc, RTL à midi et demi, qu'est-ce qu'ils prennent de points? Ben, j'ai dit, c'est normal, parce que Stéphane Bern quitte l'antenne, et que vous avez Vincent Parisot qui démarre sa session d'information. Mmh. Et forcément, comme nous, on ne fait pas de rappel de titre à midi et demi, les auditeurs qui ont besoin d'informations, bah, ils vont à RTL. Et là, tout le monde vous regarde en disant, pas con ce que tu dis. Ouais. Bah ouais, c'est pas con, mais c'est la logique, quoi. Donc ouais. On change et tout. Donc ouais, ça fait plaisir, quoi. Ouais. À part ça, vous avez d'autres explications sur les baisses, la baisse d'Europe 1 et les baisses de l'audience? Honnêtement, je comprends pas trop. Enfin, si j'ai une explication. L'explication, c'est qu'on change souvent de. Enfin, on change. Pardon. Il change. Nous avons changé. Ça fait que 3 mois, Jackie Biel, ouais. C'est normal. Oui. Vous savez, ces stations, comme Europe 1, comme RTL, faut pas déstabiliser l'auditeur. Et lorsque vous faites une grille, que vous changez au bout de 2 ans, elle est à peine installée, parce que il y a un nouveau directeur, parce que ceci, les gens sont, ils savent plus très bien. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer. Maintenant, j'espère que la station va remonter, parce qu'elle mérite. C'est une très belle station. C'est pas facile. Ils se donnent les moyens. Hein, c'est quand même le groupe Lagardère. Et j'espère de tout cœur, sincèrement, même si je ne suis plus, que bientôt cette station va remonter dans les sondages. Mais j'ai pas forcément une explication. Je crois que personne n'a explication. Regardez les sondages qui tombent tous les 2 mois. Un jour, vous apercevez que c'est Énergie qui est numéro 1, après c'est RTL. Un jour, 2 mois, c'est RTL, c'est Énergie. Ils n'ont rien changé. Ouais. Ils n'ont rien changé. Ouais. Moi-même, mes émissions. J'avais 35 ans on va dire 33 ans de sondage. Quand je faisais la matinale, j'étais numéro 1 devant RTL. 2 mois après, j'étais numéro 3. Tiens, ils sont passés? On ne sait pas. Ils sont morts. Hein, et 2 mois après, vous étiez de nouveau numéro 1. Tout le monde était ressuscité. Ouais. Donc il y a pas, vous voyez, il y a pas d'explication. Ouais. Ouais, rationnel. Médiamétrie fait, en même temps que ses audiences, fait, on va dire, le retraçage des actualités, des événements qu'il y a pu y avoir pendant, pendant la vague d'audience. Alors, ça peut jouer, effectivement. Mais... Effectivement, et puis ça dépend aussi du panel, ça dépend de la région. Vous avez des régions qui écoutent plus Europe 1 que d'autres, et il suffit que, voilà, puis il suffit qu'il y a, voilà, on comprend pas très bien, et puis on se dit, bon, bah, c'est un mauvais sondage, mais dans 2 mois, on va être mieux. C'est ça. Bah, j'espère. En tout cas. C'est le moment, Jacques Gabin, de la seconde pause musicale. Alors, vous avez choisi quoi? Ah, j'ai choisi Donald Fagen. C'est pas très radiophonique. Je vous ai apporté la pochette, vous allez tout comprendre. Cette pochette, c'est un disque, c'est un album qui est sorti en 1982. Donald Fagen, c'est l'un des membres du groupe Steely Dan. Et cette pochette, elle est en noir et blanc. On y voit un animateur avec un pick-up, avec une très grosse horloge, avec un micro des années 60. Il fume, il doit sûrement avoir une bouteille de Jack Daniels. On ne la voit pas sur la pochette. Mais je l'imagine bien. Et ça, c'est la radio des années 50 aux États-Unis. C'est la radio que j'aime. C'est la radio... C'est la radio où, avec peu de moyens, voilà, on parle à des dizaines d'auditeurs, peu importe, ou à des milliers. Et à chaque fois que j'écoute cet album, je m'imagine, je sais pas, je visualise. Je pourrais pas vous dire dans quel état des États-Unis, mais j'imagine ce petit studio de radio qui doit plus exister, ça doit plus exister de nos jours, hein. Mais cette ambiance feutrée, cet animateur avec cette cigarette. On n'a plus le droit de fumer dans non, les studios. C'est fini. J'ai arrêté de fumer, tant mieux. Mais cette ambiance, vous voyez, pour moi, la radio, c'est une voix. Voilà. J'ai voulu faire aussi de la radio parce que je me disais, pourquoi j'aime cette voix? Pourquoi j'écoute Georges Lang? Pourquoi j'écoutais Marie-Ange Rouag sur Sud Radio? Pourquoi j'écoutais, enfin bref. Et quand j'écoute cet album, les voix, les chœurs, la mélodie, je m'imagine une toute petite station fin fond des États-Unis où il n'y a qu'un seul pick-up et qu'entre deux interventions on doit entendre le disque l'aiguille. Jockey, parce qu'on dit disque ouais. Jockey là-bas, hein. Voilà, l'aiguille qui doit avec la cigarette, peut-être le Jack Daniels, on entend la radio libre, enfin la radio liberté, bon voilà. Et puis alors, c'est vrai que j'écoute souvent les radios américaines parce que je trouve qu'ils ont un ton, un phrasé, et puis leur jingle, moi ça me fait rêver, et j'écoute de plus en plus ces radios là. Here at home, we'll play in the city. I would thick weather for a streamlined world. There'll be spandex jackets, one for everyone. What a beautiful world this will be. What a glorious time to be free. What a beautiful world this will be. What a glorious time to be. Le deuxième choix de Jackie Gallois, c'est Donald Fagen avec What a Beautiful World, sorti donc en 1982. Je crois que vous avez une petite anecdote également sur ce titre. Bah oui, si on écoute l'intro, ça fait tous les jours j'écoute énergie, tous les jours j'écoute énergie. Jean-Pierre Demicou, qui était le directeur des programmes, connaissait tous ces artistes-là et s'inspirait. Il prenait que des intros, il allait en studio, comme c'est un ancien chanteur qui avait été numéro un des hit parades de Jean-Loup Lafont et de Guy Lux, donc entre autres, et c'est ce qui plaisait aux auditeurs, ce qui faisait la particularité aussi de d'énergie, c'est d'avoir des jingles qu'ils n'avaient jamais entendus ailleurs. RFM, ces jingles venaient de Dallas, produits par la Jam Production, qui font des jingles magnifiques encore actuellement aux États-Unis. Et mais nous, ah voilà, avec ça, tous les jours j'écoute énergie. Et alors lorsque je rencontrais quelqu'un dans un magasin, il me disait j'écoute énergie, je travaille énergie, Jackie. Et je me disais tous les jours j'écoute énergie, bah je dis oui. C'est ça. Il s'accroche au jingle. Ouais, il s'accroche au jingle. Complètement. Je voudrais parler dans cette dernière partie d'émission. Jackie Gallois, depuis 1996, vous dirigez parallèlement les études du studio École de France. Je voudrais savoir un peu comment ça a commencé toute cette aventure. Vous y êtes maintenant, on va dire, allez, co-directeur maintenant. Ah, je suis toujours directeur des études. D'accord. Depuis. Oh, l'histoire a commencé, c'est que avant 1996, Yann Duval, qui était un ancien animateur d'Europe 1 Sud Radio, qui avait monté cette. Il avait racheté cette école, c'est l'école de France, m'appelle pour me dire, est-ce que tu voudrais faire des interventions? J'écoute, je suis pas sûr de pouvoir donner des cours, mais pourquoi pas? Et puis je vous rappelle que si j'avais pas fait l'école de Jean-Philippe Alain, les AC en 1979, je n'aurais jamais fait de radio. Et je me suis dit, bon, bah, t'as un petit peu réussi, on va, pourquoi pas, donner deux ou trois petites ficelles comme ça, à prendre le sourire antenne, à rester naturel, à vaincre le stress, à savoir parler correctement un micro, bien placer son cadre, enfin des petites choses comme ça. Et donc, pendant un an ou deux ans, j'ai donné des cours, malheureusement et heureusement, Yann Duval est rappelé par Radio Caribe International en Martinique pour de nouveau diriger la station, parce que la station va très mal. Et donc, c'est Michel Bigebois, un ancien de Radio France, de France Inter, qui dirige seul cette école, où il était tout seul, et malheureusement, il faut être nombreux. Et un jour, Michel me dit, tu sais, je vais vendre l'école. Bon, ben, je dis, écoute, tu vas vendre l'école, très bien. Et je connaissais une personne, qui était dans la finance et qui, pour tout vous dire, c'est lui qui faisait ma feuille d'impôt, parce que j'ai toujours rien compris. Et je lui dis, tu sais, mes piges du Studec, là, c'est la dernière année, parce qu'ils vont vendre et que je vais arrêter. Et le lendemain matin, il m'a appelé à 8h, il m'a dit, c'est quoi ton histoire d'école de radio, là? Bah, je dis, c'est une école de radio, je donne des cours, je vais arrêter, parce que ça va être à vendre et que je vais arrêter. Ah, il me dit, ça me plairait bien de reprendre ça. Il dit, j'en ai marre, j'ai envie de changer de vie, tout ça. Bah, je lui dis, oui, mais tu connais pas la radio. Bah, il me dit, oui, mais toi, tu la connais. Ouais. Mais je dis, moi, je connais pas la finance. Il m'a dit, moi, je connais. Alors, 20 ans après, avec donc Silviano Marchion, lui, il a appris la radio. Demain, je peux partir, le Studec va continuer sans aucun problème. Mm-hmm. Moi, j'ai pas appris la finance. Voilà. Et c'est comme ça qu'en 1996, j'ai dit, OK, je vais prendre la direction des études. Et puis, pour être sincère avec vous, Cécile, je me suis dit, un jour, ça va s'arrêter, la radio. Et quand on prend de l'âge, retrouver un micro, c'est pas évident. Soit on prend une licence de taxi, soit on achète un bar tabac. Licence de taxi, je me voyais pas. Bar tabac, je me voyais pas non plus. Et je me suis dit, je vais reprendre la direction des études, d'une part pour transmettre, parce qu'après tout, il y a des gens qui m'ont transmis ce métier, et encore une fois, j'ai appris grâce à eux. Il n'y a aucune raison que je garde, en toute modestie, un savoir-faire. Et puis je me suis dit, le jour où la radio va s'arrêter, eh bien, je ne serai pas chez moi à me dire qu'est-ce que je vais faire demain, ou en attendant le téléphone qui, je vous le dis franchement, à part vous, Cécile, et deux ou trois amis, ne sonne plus depuis le 30 juin 2016. Mmh. Et avec donc Silviano Marchion, nous avons repris cette école que nous avons développée, à tout point de vue. Hein. Et d'abord, c'est un bonheur d'être avec les jeunes. Et puis, je ne vous cache pas que depuis le 30 juin, depuis que j'ai plus de micro, eh bien, je suis dans mes studios et je suis heureux. Quoi, parce ouais. que L'histoire continue. L'histoire continue d'une façon différente. Mm-hmm. Voilà, mais l'histoire continue. Et là, c'est la rentrée. Ça a été la rentrée, d'ailleurs, hein, puisque nous sommes ouais. le 11 octobre. Hein, ouais. Voilà, ouais. Et c'est, il y a de ça quelques jours. Et là, c'était les premières années. Donc, on voit ces jeunes qui ont envie... qui sont un petit peu impressionnés, qui tremblent, qui voilà, je trouve ça extraordinaire et je leur souhaite d'ores et déjà de faire une très très longue carrière. Et oui, je vois vraiment que vous avez ce bonheur de transmettre, de leur apprendre. Vous avez la patience de la pédagogie. Complètement. C'est pas donné à tout le monde. Vous savez, le premier jour, vous êtes devant des jeunes qui depuis un certain nombre d'années rêvent de devenir animateur radio. Et c'est la première fois qu'ils arrivent devant un micro comme nous sommes devant. Et il faut dire ce qui est, c'est un vrai métier. Et quand vous vous retrouvez la première fois devant ce micro, vous ne savez pas quoi dire. Et puis vous commencez à trembler, vous commencez à transpirer. Moi, j'ai des étudiants qui me disent, Monsieur Gallois, parce qu'au début c'est Monsieur Gallois, je peux sortir? J'ai vu, oui, bien sûr. Monsieur Gallois, je peux passer après? Je sais qu'ils sont en panique, parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu à Radio Monte Carlo en passant mon concours. Mm-hmm. Vous voyez? Et je me dis, et cette première journée, elle est hyper importante. C'est-à-dire que vous êtes devant quelqu'un qui se met à trembler et tout. Alors, je le laisse faire un petit peu, je mets un peu de musique, un petit jingle. Et puis, il dit trois mots, puis il dit, je sais pas quoi dire. Et je lui dis, t'as vu, tu viens de faire de la radio quand même, là. Il me dit, ouais, mais je suis pas bon, hein. Je dis, c'est pas grave, ça. Donc, je prépare un petit texte. J'ai fait passer un par un au début comme ça, en étant hyper, pédagogue. Parce que si vous dites, tu vois hein, que c'est compliqué, hein, mmh. puis t'as une voix qui monte dans les aigus et tout, vous cassez un rêve. Mmh. Vous cassez un rêve. Donc après, je leur donne un petit texte, je leur fais poser un petit peu leur voix et tout, donc ils se rassurent un peu. Et à la fin du cours, ils viennent me voir en me disant, j'ai pas été bon, mais j'ai dit, c'est le premier cours. Et puis je dis, tu sais, moi j'ai été très mauvais pendant des mois et des mois. Je dis, c'est pas grave ça. Et puis je dis, tu sais quoi? À tous les gars dans ton entourage, tes copains qui disent, tu vas devenir animateur radio? D'abord, c'est pas un métier, puis disons, c'est vachement facile. Hein. Raconter des conneries comme fait Coé ou comme fait Manu, ben, tout le monde peut le faire. Eh bien non, justement, tout le monde ne peut pas le faire. Et ça s'apprend. Et ça s'apprend jusqu'au moment où vous avez ça qui coule dans les veines et vous avez un talent, ou vous en avez pas. Ça, je ne peux pas le déceler tout de suite. Ce n'est que quelques semaines ou quelques mois après que malheureusement, je dis bien malheureusement et heureusement, tout le monde ne peut pas faire ce métier et que certains, au bout d'un an, bon, on les arrête parce que ça peut pas fonctionner. Alors oui, j'aime me retrouver avec ces jeunes parce que d'une part, je me redécouvre les premières fois mes premières émotions devant le micro et je me dis... Allez, j'ai l'impression d'exister, de faire 3,50 m, me dire j'ai un rôle hyper important ce premier jour et les autres jours parce que je dois pas leur détruire leurs rêves. Et ça, il faut être hyper... Et vous savez, lorsque les étudiants sortent, au bout de 2 ans, j'en ai certains qui viennent d'arriver sur la matière de l'énergie, d'autres qui viennent de prendre la matière de Wii, enfin bref, tout ça. Je leur dis, n'oubliez jamais qu'un jour vous avez commencé, que vous avez eu la trouille. Et lorsque vous allez recevoir des stagiaires, lorsque vous allez voir un nouvel animateur, une nouvelle animatrice qui va arriver, hein, vous allez l'épauler. Hein, vous n'allez pas jouer les mecs, la petite, là, la trouille, hein, Non. Toujours humble. Humilité dans ce métier. Humilité. Donc oui, j'aime transmettre. Oui, la radio me manque, mais j'ai cette chance d'avoir ma petite drogue au Studec. La mécanique des ondes. Jackie Gallois, les invités posent des questions aux invités suivants. Là, l'invité précédent était Eric Jean-Jean, il vous pose une question. Jackie Gallois, il a le côté solaire autant que j'ai le côté lunaire, c'est-à-dire il est l'homme du matin pour moi, quand moi je suis l'homme de la nuit, et nous avons plusieurs points communs, dont le fait que lui et moi ayons passé des années dans une grande radio périphérique sans être des stars, mais en étant ce qu'on appelle des couteaux suisses, c'est-à-dire qu'on sait tout faire. Et Jackie, ma question est la suivante, est-ce que tu penses que tu peux donner aux auditeurs de Fréquence Protestante la définition de couteau suisse dans une radio périphérique? Je t'embrasse et je t'aime. Moi aussi je l'aime, Eric. Bonne question. Définition d'un couteau suisse sur une radio périphérique. Eh ben oui, c'est de savoir tout présenter. D'être aussi bien capable de faire le petit matin que de présenter le multiplex de football. Je n'ai jamais shooté dans un ballon. De présenter pendant 20 ans Tiercé numéro 1, une émission sur les courses hippiques. J'ai peur des chevaux. C'est le pompon quand même, je peux le dire maintenant. J'ai peur des chevaux et j'ai présenté pendant 20 ans Tiercé numéro 1. Quand on travaille dans une station périphérique, oui, il faut être polyvalent. C'est-à-dire qu'il faut être capable de faire un petit matin, de présenter un jeu, de faire... pas la libre antenne. J'ai refusé de faire la libre antenne parce que c'est trop sérieux. Lorsque les gens vous téléphonent, qu'ils sont en détresse, vous pouvez pas... C'est très difficile. J'ai refusé. Un jour, je devais remplacer Caroline Dublanche pendant ses vacances. Et je vais le dire. Et j'ai dit à mon patron, parler de Zizi à l'antenne, je peux pas. Parce que les gens qui téléphonent, d'abord, ça veut dire qu'ils ne communiquent plus avec leur famille, avec leurs proches, et que la seule poignée là, c'est la radio, c'est une voix, c'est Caroline chez nous, Europe 1. Et je dis, je vais tomber sur quelqu'un qui va me dire. Je vais pas bien parce qu'elle m'a quitté et tout. Mais de qui je suis, Jackie Gallois? Je suis pas psy. Je veux dire, une de perdue, 10 de retrouvée. Je veux dire, une énorme connerie. Ouais. Donc, j'ai refusé de faire. Ça a été mon seul refus en plus de 30 ans à Europe. Couteau suisse, être capable de faire des Europe Stop au fin fond de la France, dans une bagnole, de faire gagner du pognon à des gens qui pleurent, que vous pleurez après l'antenne parce que c'est la France là et que vous vivez dans les beaux quartiers et que de temps en temps ça fait du bien d'aller voir ce qui se passe à côté. Et puis on vous dit tu peux faire 5h 7h, ben oui. Et puis dis donc tu peux réaliser, ben oui je peux réaliser. C'est ça être couteau suisse, je pense. Oui, je pense. C'est une bonne définition. Je pense. Jackie Gallois, il reste vraiment 2 minutes pour le questionnaire rapide. Oui. Un homme de radio qui pourrait être votre modèle? C'est Yann Egan. On l'a compris. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? Europe 1. Quelle radio vous réveille le matin? Europe 1. Quelle radio vous endort le soir? George Long, RTL. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? J'ai des radios partout, moi. Partout. Partout. C'est pas possible. À part les toilettes, peut-être. Alors, un endroit où vous ne l'écoutez jamais. Les toilettes. Votre meilleur souvenir de radio, mais rapidement. 15 juillet 1981, mes débuts énergie. Le pire souvenir, s'il n'y en a qu'un? Le dernier jour Europe 1. Ouais. Un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio, à part faire le Studec? Faut y croire, c'est un métier de passion. Il faut écouter la radio 24h sur 24, 7 jours sur 7. Il faut y croire, il faut travailler. C'est pas un métier facile, c'est le plus beau des métiers. Nous sommes des privilégiés, vous le savez aussi bien que moi, Cécile. Mm-hmm. Mais ça demande énormément de travail. Merci beaucoup, Jackie Gallois. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt.